la neige quand les bosses me bouffent les poignets, mec. Tu me reconnais? Je peux mettre des gifles avec ma bite pour de la monnaie. Tu peux pas tous nous sangler, nous faire passer pour des cinglés. Le jour J, on n'aura pas d'hésitation à tous vous tringler. Tu parles d'un boulot quand tu frappes et pourriture de flics. C'est les raisons qui me poussent à être impitoyable sur la rythmique. Aujourd'hui, c'est moi qui cherche un prétexte, mec. C'est moi le BO2S dans mon texte. J'ai rien à voir avec toi, tu te prends pour un show, tu fais le fou. Je peux te la mettre avec le sourire sur un air de mambo. Comment tu te prends au sérieux? Je suis chargé, je plante chaque mot comme de méchants bastos dans mon pari. Fous le camp avec ta dégaine de perdant. Adepte, tu rentres dedans, ça va très vite. Gauche, droite, ramasse tes dents. Ici c'est malsain, c'est Willy le bar, Gérard Mou. Fais pas le fou. On a encore des balles, on va vider nos chargeurs, ça va faire mal. C'est frénétique, illégal radio, un truc de fou. C'est pèse par Willy le bar, Gérard Mou. On a encore des balles, on va vider nos chargeurs, ça va faire mal. C'est frénétique, illégal radio, un truc de fou. C'est baisse bar, Willy le bar, Gérard Mou. Y'a pas de fumée sans queue, y'a pas le feu, on reste dans le jeu. Un de j'parle de ceux qui se prennent au sérieux. Par la première scène, pour la troisième personne. On a rien de singulier, t'es ouf, t'es fouf, moi j'crains personne. Bande de salopes qui se dope, j'vous fume ça hold up. Clash au club, j'me baisser et ça se croit à New York. Mais ici c'est pas baisse, si tu testes on te baisse. Vas-y bouge ta graisse, on va trop monte sèche. T'es bien banal, mais quand j'tire mes mots, c'est des balles. T'es la cible, c'est de la nage, tu défourailles avec ton trou de balle. Je sodomise, qu'en France, Sénégal, trou de balle, cours derrière la poêle, moi je cours derrière l'argent sale. Sale gosse, je suis radical, c'est la maille qui parle. Tes tailles, ton son, c'est de la caille. Et Charles, tu peux pas tester l'éducation de Charlemagne. C'est champagne, calibre la morse et je nique. Et des frères au bagne, Willy le bar. On a encore des balles, on va vider nos chargeurs, ça va faire mal. C'est frénétique, illégal radio, un truc de fou. C'est pèse par Willy le bar, c'est rabou. On a encore des balles, on va vider nos chargeurs, ça va faire mal. C'est frénétique, illégal radio, un truc de fou. C'est baisse bar, Willy le bar, Gérard Mou. Hop, yeah. Baisse bar. Willy le bar. Mourad. Ok, ok. Frénésique. Zone sensible. Illégal radio. Mec, écoute ça. C'est ça, Coma, Mokles, Haroun, Secret Connection. On a encore des balles, on va vider nos chargeurs, ça va faire mal. C'est frénétique, illégal radio, un truc de fou. C'est baisse bar, Willy le bar, c'est rabou. On a encore des balles, on va vider nos chargeurs, ça va faire mal. C'est frénésique, illégal radio, un truc de fou. C'est baisse bar, Willy le bar, Gérard Mou.